Impromptu, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Impromptu. Quand nous nous enivrons de la brise qui passe, empreinte du parfum s'exhalant de la fleur, nous voudrions pouvoir la suivre dans l'espace. Mais elle fuit toujours, et, de la fraîche odeur, il reste un souvenir. Ainsi, dans notre cœur, lorsque vous serez loin, de toute votre grâce, il ne restera plus qu'un souvenir vainqueur, mais un beau souvenir. C'est encore du bonheur, et le vôtre est de ceux qu'en l'âme rien n'efface.